Audiomatique. La formation Zentriert ins Antlitz ouvrait cette transmission 025 d'Audiomatique avec sa pièce Chamisen Jungle qu'on retrouve sur l'album intitulé tout simplement No. Nous sommes les électronistes et nous vous remercions de partager notre espace son pour les prochaines minutes. Nous vous avons préparé une transmission qui, comme à l'habitude, vous démontrera hors de tout doute raisonnable la diversité inassouvissable de la musique électronique. Nos 24 premières transmissions sont disponibles en écoute sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU et nous sommes également en rediffusion sur les ondes de CFOU les samedis à 20h. La prochaine séquence musicale approche à grands pas, juste le temps de vous préciser qu'elle sera introduite par le groupe britannique Fluke. Nous terminions ce doublé musical à Audiomatique avec la Française Caroline Hervé, mieux connue sous le pseudonyme de Miss Kitten et grande complice de celui qui se fait appeler The Hacker. On l'entendait ici en solo avec la pièce Dub About Me de son album I Come, paru en 2004. Cette pièce a été composée pour Miss Kitten par le duo allemand Smash TV. Et pour débuter, la formation anglaise Fluke nous offrait la chanson Snapshot de leur dernier album Poppy, lancé en août 2003, il y a presque 12 ans déjà. Toujours à l'émission Audiomatique, poursuivons sans attendre avec une formation britannique bien connue. Il s'agit de Chemical Brothers, de qui nous écoutons la pièce Another World. We'll be right back. don't take direction. Creation, my reflection. Dance a ghost with me. Avant la pause publicitaire, l'artiste Daniel Meyer, avec son projet Destroyed, nous offrait sa version de la pièce Lucretia, My Reflection, originellement composée par la formation Sisters of Mercy. Cette reprise paraît sur l'album Silent World de Destroyed. Quant à Daniel Meyer, il est reconnu surtout pour ses projets Odd Job et Architect. Avec Destroyed, il nous offre un son davantage pop et orienté vers la piste de danse. Sachez aussi que pour éviter la confusion avec une autre formation du même nom qui fait davantage dans la musique dubstep, Daniel Meyer a changé le nom de son projet Destroyed pour DSTR, donc DSTR. Avant, il s'agissait de la formation américaine Scilab, de laquelle nous entendions la pièce Fears tirée de leur dernier album intitulé Cut and Coil, paru en 2010. Il semble que cet album soit malheureusement le dernier que Scilab ait produit, puisque la formation ne semble plus active aujourd'hui. Et nous entamions la séquence musicale avec The Chemical Brothers et leur pièce Another World de l'album Further, sorti en 2010. C'est leur dernier album si l'on exclut le fait qu'ils ont réalisé la trame sonore du film Anna en 2011. Vous écoutez toujours Audiomatique avec les électronistes. Voici en musique le duo suisse Mobile in Motion. Will I hear again? That whisper in my head, I'm falling in my bed. Am I waiting in vain, or am I just afraid to hear them come again? Is there a hurricane that whisper in my head? I'm swimming in my bed. There a good choice in there? Creativity.

Audiomatic. Il s'agissait du groupe américain Yesayer et la chanson I Remember de leur deuxième album Odd Blood, paru en 2010. Précédemment à Yesayer, nous avions droit au projet de Joe Corrales Jr., YEPA, qui est en fait le mot happy à l'envers. Il nous présentait sa composition City Glow de l'album They Know What Ghosts Know. Et en début de bloc, le duo suisse Mobile in Motion amorçait le tout avec la chanson Hurricane de leur premier album Far Beyond My Thought Control. La formation belge Militia conclura la transmission 025 d'Audiomatic en nous offrant une musique militante inspirée par l'idéologie dite éco-anarchiste, pour laquelle les membres du groupe ont posé les bases dans un manifeste qu'ils ont rédigé en 2003. Militia existe depuis 1989 et tire son inspiration de formations comme SPK et Test Department. La pièce que nous allons entendre, qui se nomme The Limitation of Language, se trouve sur l'album Everything is One, sorti en 2005. Les électronistes qui vous tirent leur révérence jusqu'à mercredi prochain 18h. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en rediffusion samedi à 20h et toutes les autres transmissions en visitant notre profil sur Facebook à Audiomatic CFOU. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent dans quelques instants. Mais tout juste avant, voici la formation Militia et la pièce de Limitation of Language.